Gang. Bye. Bye. Devine qui prend ta place. Devine qui vient tout plier. Devine qui a la classe. Devine qui vient tout baiser. ESCO. ESCO. ESCO. ESCO. Devine qui prend ta place. Devine qui vient tout plier. Devine qui a la classe. Devine qui vient tout baiser. ESCO. ESCO. ESCO. ESCO. 76 dans ma tête. Devine qui a le flow. Cette fois plus lourd que tes pecs. I am the best. Moi je vous baisse. Tous autant que vous êtes. J'ai la tête sur les épaules. Et deux trois chiens dans le frais. J'suis un peu comme l'arc-en-ciel. Tu peux me voir sans jamais m'atteindre. J'suis brûlé au chalumeau. Toi ta petite flamme on va l'éteindre. J'appelle toutes mes meufs B comme si j'appelais mon pote X. Tu te rappelleras mon place. Moi c'est Esco du 7-6. On se met à vivre la nuit. Vu que le marchand de sable a disparu. On a l'inspiqueto. On fait rimer nos coins de rue. Pas de billets que du vécu. Dans nos poches, poches. On s'en bat les couilles des lois. Mais on respecte nos proches. Devine qui prend ta place. Devine qui vient tout plier. Devine qui a la classe. Devine qui vient tout baiser. ESCO. ESCO. ESCO. ESCO. Devine qui prend ta place. Devine qui vient tout plier. Devine qui a la classe. Devine qui vient tout baiser. ESCO. ESCO. ESCO. ESCO. Sur ma vie qu'on aurait les moyens. On mettrait fin à ta carrière. Mon son c'est une tuerie. Si t'aimes pas, tu niques ta mère. J'suis le porte-parole de mes gars. Cousin c'est la street. J'en présente le ghetto. Le Lacoste un peu troué. Classique, j'tente pas le joue. J'pèse par mon froc. On s'invite dans les grandes boutiques. Un coup par choc. Gaz belle, cardiaque, mon équipe fait que de vraies choses. Y'a que sous Jack, que ton équipe se sent faire quelque chose. Depuis le début, j'mets la dose, et ouais frère, j'te remplis les veines. J'suis souvent passé entre les mailles du filet, ma gueule j'ai de la veine. Prends un coup, tu passes en mode critique. On va pas t'épargner, t'es comme toutes ces putes que tu critiques. T'as toujours les jambes écartées. Devine qui prend ta place, devine qui vient tout plier. Devine qui a la classe, devine qui vient tout baiser. ESCO, ESCO, ESCO, ESCO. Devine qui prend ta place, devine qui vient tout plier. Devine qui a la classe, devine qui vient tout baiser. ESCO, ESCO, ESCO, ESCO.